et ton Seigneur n'est injuste envers aucun de ses serviteurs. Le jour de la résurrection, le jour où justice sera faite, le jour où toute chose et tout droit reviendra à son propriétaire, dans un énorme tribunal, qui est certes le tribunal dont le juge est Allah, le tribunal dont le juge est le Seigneur des cieux et de la terre, Tabaraka wa ta'ala, un tribunal qui n'accepte pas ni de médiateur, ni d'avocat, ni de cour de cassation, ni de piston, ni d'aide extérieure ou intérieure, ni de corruption, mais c'est le tribunal d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il faut qu'on mette dans son esprit, ayo al-ikhwa, que ce jour-là seront remis les droits à tout propriétaire. Comme Allah Jalla wa ala nous dit, وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Et quiconque des vôtres est injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Malheur donc à celui qui se sera montré injuste envers les gens dans cette vie ad-dunya. Malheur donc à celui qui aura transgressé les gens dans cette vie ad-dunya. Malheur donc à celui qui aura tourmenté les musulmans dans cette vie ad-dunya par sa langue, ou bien par sa main, ou bien par sa puissance et son royaume. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Certes, il n'y a de recours et de voie que contre ceux qui sont injustes envers les gens et ceux qui commettent des abus contrairement aux droits sur terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Puis après, Allah Jalla wa Ala nous dit وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل مرد هل إلى مرد من سبيل. Et cependant tu verras les injustes dire en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Car les injustes, ayyuha al-ikhwa adh-dhalimun, regretteront dans l'au-delà, regretteront le jour de la résurrection, et ils diront ainsi, هل إلى مرد من سبيل, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Puis Allah Jalla wa Ala dit وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الظُّلْمِ. Tu les verras alors exposés à l'enfer, confondus dans l'avilissement et dans la crainte. يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. Regardant d'un œil furtif, regardant d'un œil apeuré, et effrayé, et inquiet. الظَّالِمُونَ فِي الدُّنْيَا. Les injustes dans ce bas monde, ayyuha al-ikhwa, pensent qu'ils vivront tranquilles le jour de la résurrection. Pensent que ce jour, aucune justice ne sera faite. Les injustes, al-dhalimun, pensent que ce qu'ils commettent dans ce bas monde aux serviteurs d'Allah, et ce qu'ils font avec les créatures d'Allah dans le dunya, ils ne seront pas jugés dessus, et ils ne seront pas questionnés dessus. Mais hélas pour Allah, hélas pour eux, car certes le Seigneur de la terre et des cieux nous dit, Tabaraka wa ta'ala, wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu al-dhalimun. Et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Mais il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. إِلَى يَوْمٍ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُهْدِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Ils courront alors, levant la tête, les yeux égards, et leur cœur vidé de peur. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. Les injustes diront alors, ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, fais-nous revenir à un court délai dans ce bas monde. Nous répondrons à ton appel et nous suivrons tes messagers. أَفَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Et Allah leur dira alors, n'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَمْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Et n'avez-vous pas habité dans les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes? N'avez-vous pas habité dans leurs châteaux et dans leurs villas, et ainsi que dans leurs constructions? وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبَنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Et vous avez habité dans leurs demeures, et il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités, et nous vous avons cité les exemples. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Ils ont certes comploté, et certes leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître des montagnes. Et ainsi qu'Allah fasse miséricorde au poète qui nous dit أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ الظُّلْمَ لَؤُمُ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ الظُّلْمَ لُؤْمٌ وَمَا زَالَ الْمُسِيءُ هُوَ الظَّلُومُ إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. Comme le savant nous dit, par Allah l'injustice n'est qu'abjection et la désobéissance est toujours oppression. Vers le Seigneur du jour de la rétribution nous allons, et auprès d'Allah se rassembleront les altercations. Tu comprendras pendant le jugement, lorsque nous nous rencontrerons demain auprès d'Allah, qui est celui qui recevra les réprobations. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit « Isbir ala dhulm wa la tantasir, fa dhulm mardoudun ala dhalimi, wa kil ila Allah dhalima, fa ma rabbi ani dhalimi bin naimi, mata junufuk wal mazloum muntabihun » يدعو عليك وعين الله لم تنم وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم سيبلى بالظالمين. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit patiente envers l'injustice et n'essaye pas de vaincre, car l'injustice revient toujours sur l'injuste, et plains-toi auprès d'Allah contre cet injuste, car Allah n'est pas distrait à propos de cet injuste. Tu as dormi alors que l'oppressé est attentif, et il invoque contre toi, et l'œil d'Allah ne dort pas. Il n'y a pas une main sans que celle d'Allah ne soit au-dessus, et il n'y a pas un injuste sans qu'il ne soit frappé par un autre. Méfie-toi, ya Abdallah. Fais donc attention, ya Abdallah, d'être parmi les injustes al-zalimin. Et nous vous avertissons ainsi, ayyuha al-ikhwa. Et nous vous prévenons de ne pas être injuste et de ne pas oppresser les gens dans cette vie ad-dunya. Dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Craignez l'injustice, car certes l'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. Craignez l'injustice, car certes l'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. » Dans les deux recueils authentiques d'Al-Imam Al-Bukhari et l'Imam Muslim. Selon Abdullah ibn Abbas, selon Abi Moussa Al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit « Allah donne en abondance à l'injuste jusqu'à ce qu'il le prenne et il ne le rate pas. » Et il récita la parole d'Allah jalla wa ala « Wa kadhalika akhdu rabbika idha akhada al-qura wa hiya zalima » Dans les deux recueils authentiques, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit crains l'invocation de l'oppressé, crains l'invocation de celui qui a subi une injustice, car il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah. Et dans une autre version, Allah jalla wa ala a dit wa izzati wa jalali, par ma puissance et ma majesté, je te rendrai victorieuse. En s'adressant à l'invocation, je te rendrai victorieuse, même si c'est après un certain moment. Al-dhulm, l'injustice, ayyuha al-ikhwa, est interdit même contre les non-musulmans. Même sur les mécréants, l'injustice est interdite, ayyuha al-ikhwa al-kiram. Écoutez ce que nous rapporte l'imam Ahmad. Avec une chaîne de transmission bonne, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'oppressé et Allah, même si l'oppressé est mécréant. Il n'y a pas de voile entre l'invocation de celui qui a subi une injustice et Allah, même si l'oppressé est mécréant. Alors, ya akhi al-karim, wa ya abdallah, ne te vante donc pas de ta force et ne sois pas fier de ta puissance. Et sache que la puissance d'Allah est au-dessus de la tienne. Et sache que la main d'Allah est au-dessus de la tienne. Et sache que la riposte d'Allah est plus redoutable que la tienne. Et ainsi, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit « Ida jar al-amir wa katibahu wa qadi al-ardi dahana fil qadi fa waylun thumma waylun thumma waylun li qadi al-ardi min qadi al-samai » Lorsque l'amir a commis une injustice, et que le juge de la terre s'est trompé et a été injuste dans son jugement. Malheur, puis malheur, puis malheur au juge de la terre devant le juge du ciel. Naam. C'est pourquoi la plupart des juges de la terre, ayyuhal ikhwa, seront parmi les gens de l'enfer. Comme nous a prévenu le prophète alayhi salatu wassalam, selon la parole d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Hakim avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh al-Albani. Selon Buraïda radiallahu anhu, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les juges font partie de trois catégories. Deux iront en enfer et une au paradis. Un homme qui connaissait la vérité et qui a jugé avec, il ira au paradis. Un homme qui a jugé entre les gens avec de l'ignorance, il ira en enfer. Et un homme qui connaissait la vérité mais qui a transgressé dans son jugement, il ira en enfer. Ainsi, deux catégories de juges iront en enfer et une seule ira au paradis. Et c'est pourquoi la plupart de nos savants, rahmatullahi alayhi, ont fui la place de juge. Et on fuit ce métier de juge, vu la responsabilité qu'il y avait envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et qui sont-ils, nos savants, ayyuha al-ikhwa, de par leur délaissement de ce bas-monde ad-dunya, de par leur délaissement des muharramat, des interdictions, et de par leur science. Mais ils ont fui de peur de ce hadith, et de peur de la mauvaise finalité qu'Allah pourra leur accorder, wal-iyadu billah. Contrairement au cas de nos jeunes d'aujourd'hui, qui se hâtent de devenir juges, et qui se hâtent d'étudier dans le droit, afin que, alors qu'ils ne connaissent rien du livre d'Allah, et qu'ils ne connaissent rien de la sunnah du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mais ils ne songent même pas à utiliser le livre d'Allah et la sunnah de l'Habib, alayhi salatu wassalam. Ainsi, ils veulent, de par leurs études et de par leur métier, atteindre les plus hauts échelons de la société. Mais en vérité, ils se sont mis, wallah, en danger devant Allah, jalla wa ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Aura réussi celui qui aura purifié, c'est-à-dire son âme, et sera perdu celui qui l'aura corrompu. Naam. Maintenant, ayyuha al-ikhwatul kiram, vous venez de connaître la destination d'Al-Zalimin et la finalité d'Al-Zalimin. Maintenant, ayyuha al-ikhwatul kiram, commence le jugement al-hisab. Commence le jugement entre les serviteurs d'Allah. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, maintenant, ayyuha al-ahbab, justice sera faite entre les serviteurs. Et la première chose sur laquelle seront jugés les gens le jour de la résurrection, ad-dima, le sang. La première chose sur laquelle seront jugés les serviteurs d'Allah. La preuve en est ce que nous rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, la première chose sur laquelle seront jugés les gens sera à propos du sang et d'ima. Et il n'y a pas de contradiction avec le hadith que nous avons évoqué précédemment, le dernier discours, où nous avions évoqué que la première œuvre sur laquelle seront jugés les serviteurs sera la prière à salat. Car ceci concerne l'obligation du serviteur envers Allah. Et sur quoi seront jugés les gens à propos du sang ad-dima concerne leur obligation envers les serviteurs d'Allah. Ainsi, la première chose sur laquelle seront jugés les serviteurs entre eux le jour de la résurrection sera le sang ad-dima. Ayyuha al-ikhwatul kiram, car wallahi l'affaire du sang est énorme. L'affaire des âmes et du sang est dangereuse, ayyuha al-ikhwatul kiram. Les gens seront jugés sur les âmes qui ont été retirées. Ont-elles été retirées pour de la vérité ou ont-elles été retirées injustement? Naam. Car celui qui insuffle la vie n'est qu'Allah, Azzawajal. Et ainsi personne n'a le droit de le retirer injustement. Personne n'a le droit de retirer injustement la vie qu'Allah a sacrée dans le serviteur d'Allah. Et les premiers qui seront jugés à propos du sang le jour de la résurrection seront certes Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et son compagnon. Et la preuve est tirée de ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari radiallahu anhu. Rahimahullah. Ali radiallahu anhu nous dit, je serai le premier à m'agenouiller devant Ar-Rahman, devant le tout miséricordieux, pour la querelle le jour de la résurrection. Lui et son compagnon, Hamza et Ubaïda, car ils ont combattu lors de la bataille de Badr, les grands de Mecque, et le jour où ils ont combattu Utbah ibn Rabi'a, wa Shayba ibn Rabi'a son père, Et c'est pourquoi Qais ibn Ubayd rahimahullah ta'ala nous dit, c'est à leur sujet qu'Allah jalla wa ala a fait descendre dans son livre, Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Voici deux clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur. Naam. Les gens ayant été quoi seront jugés à propos du sang à Dima, car la vie est chère auprès d'Allah, car la vie est sacrée auprès d'Allah Azza wa Jal. Écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim, wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Et ne tuez point la vie et l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Sauf en droit, ne tuez point l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Nous lisons souvent ce verset, ayol ikhwatul kiram. Mais peu sont les gens qui comprennent sa signification. Et peu sont les gens qui comprennent son interprétation. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf en droit. Alors écoutez, ô vous qui nous insultez de terroristes, écoutez, ô vous qui nous insultez de sauvages, écoutez les règles de l'islam, écoutez les prescriptions de l'islam, écoutez le jugement de l'islam, écoutez la miséricorde de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا. Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée, et quiconque aura été tué injustement, nous avons donné un pouvoir à son proche, et que celui ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté et rendu victorieux. La parole ne concerne pas les criminels qui passent leur vie à voler les biens des gens, qui passent leur vie à faire couler le sang des gens et à faire couler le sang des humains et des gens. Là, la parole concerne beaucoup de musulmans qui ont mal compris la religion d'Allah et qui ont mal compris le chemin d'Allah Jalla wa Ala. La parole concerne ceux qui se prétendent faire partie de la communauté musulmane, qui se prétendent faire partie de ceux qui disent être faire partie de ceux qui pratiquent la religion d'Allah. Naam. Leurs mains se sont tachées du sang d'autrui alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Alors qu'ils n'en avaient pas le droit, yuallah, sans en avoir le droit. Et ils s'imaginent faire du bien. Et ils pensent qu'ils font du bien. Mais wallah, ils ne commettent que du désordre. Et wallah, ils ne sèment que de la corruption sur terre. Et ils ne corrigent en rien, yuallah. Ayyo al-ikhwatul kiram. Écoutez ces règles et apprenez-les et transmettez-les à d'autres alors. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf en droit. Les gens, ayol ikhwatul kiram, nos savants, rahmatullahi alayhim, les ont divisés en quatre catégories dans ce verset. La première catégorie, al-muslim, le musulman, qui est protégé de par son islam. Son sang est le plus sacré auprès d'Allah Azza wa Jal. Al-imam al-Nasai nous rapporte dans son sunan un hadith avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la disparition de ce bas monde est préférable à Allah que le fait de tuer un musulman. La disparition de tout ce bas monde est préférable à Allah que de tuer un seul musulman. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est autour de vous, tout ce dans lequel vous vivez est préférable à Allah, sa destruction, que de faire tuer un seul musulman. Ayyuhal ikhwatul kiram. Al-Imam al-Tabarani nous rapporte un hadith avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Bakr, radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, si tous les gens des cieux et de la terre se rassemblaient afin de tuer un musulman, Allah les aurait tous jetés au feu, la tête la première. Si tous les gens des cieux et de la terre se rassemblaient pour tuer un musulman, Allah les aurait tous jetés au feu, la tête la première. Le sang le plus sacré auprès d'Allah, et le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit également dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Darda, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, tout péché, Allah le pardonnera peut-être. Tout péché, Allah le pardonnera peut-être, excepté l'homme qui meurt polythéiste, et celui qui tue un croyant volontairement. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et quiconque tue un croyant volontairement, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'aura frappé de sa colère, et l'aura maudit, et lui a préparé un énorme châtiment. Telle est la première catégorie, ayyuhal ikhwatul kiram. Al-Muslim, le musulman. Ainsi le sang du musulman est très important. Et il est très sacré auprès d'Allah Jalla wa Ala. La deuxième catégorie, ayyuhal ikhwa, ce sont ceux qui ont eu un pacte avec les musulmans et qui vivent dans le gouvernement musulman, et qu'on appelle ad-dhimmi. Ceux-là exactement, ce sont ceux qui viennent dans un pays musulman et avec lesquels le gouverneur lie un pacte ou un engagement, afin qu'ils soient en paix et en sécurité, les concernant eux, leur vie, leur argent, etc. En échange de cela, ils versent au gouvernement une capitation ou un impôt. Ceux-là, ayyuhal ikhwatul kiram, peuvent rentrer des juifs, ou bien des chrétiens, ou bien d'autres, qui ont eu un engagement avec le gouvernement musulman. Eh bien celui-ci, s'il fait partie de cette catégorie d'Ahlul Dhimma, il est interdit en aucun cas de le transgresser. Ni lui-même, ni ses biens, ni autre chose. Et la preuve en est, ayyuhal ikhwa. Car ne nous parlons qu'avec des preuves, ayyuhal ikhwatul kiram. La preuve en est le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i. Avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, dit: quiconque tue quelqu'un parmi Ahlul Dhimma, parmi les gens que nous venons d'évoquer, quiconque tue quelqu'un parmi Ahlul Dhimma ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors que son odeur est ressentie à une distance de 40 années de marche. Quiconque tue quelqu'un d'Ahlul Dhimma ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son odeur est ressentie à une distance de 40 années de marche. Comme ceux qui tuent les touristes et ceux qui tuent les diplomates étrangers ou bien les consuls, sous prétexte qu'ils sont mécréants, sous prétexte qu'ils s'habillent avec des vêtements courts, sous prétexte qu'ils boivent de l'alcool, mais certes leurs prétextes ne sont aucunement fondés. Auprès d'Allah Jalla wa Ala, il leur est interdit ainsi de les transgresser, de les tuer, de leur faire du mal, etc. Telle est la religion de l'islam, ayyuhal ikhwa, car ils font partie de cette catégorie. Et si la personne est jalouse de sa religion, si la personne est envieuse pour sa religion et elle veut défendre sa religion, qu'elle aille voir directement le gouverneur musulman, qu'elle aille conseiller le gouverneur musulman, qu'elle aille lui ordonner le convenable et lui interdire le blâmable, mais de transgresser les gens et de les tuer, ceci est en aucun cas autorisé. Et vous avez entendu le hadith authentique. Telle est la deuxième catégorie, ayyuhal ikhwa. La troisième catégorie, Al-Mu'ahad, celui qui a un pacte avec les musulmans. Celui qui a un pacte ou un engagement avec les musulmans sur sa vie, sur sa sécurité, sur ses biens, etc. Qu'ils vivent dans un pays mécréant ou dans un pays musulman. Ainsi, lorsqu'une communauté prend un pacte avec une autre communauté, elle n'a pas à la transgresser. Que ce soit dans n'importe quel pays. Et c'est comme cela que s'est passé avec le prophète alayhi salatu wa salam et les mécréants de Quraysh. Dans l'année d'Al-Hudaybiyah, la sixième année de l'Hijra, ils ont signé un pacte entre eux. Ainsi, si cette personne fait partie de cette catégorie, ayyuhal ikhwa. Et les gens parmi lesquels nous vivons en ce moment font partie de cette catégorie. Nous avons un engagement avec eux, nous avons un pacte avec eux, nous vivons chez eux, nous travaillons chez eux, nous sommes en sécurité chez eux, nous achetons chez eux, nous vendons avec eux. Ainsi, ils rentrent dans cette catégorie, ayyuhal ikhwatul kiram. Et alors regardez la preuve d'Al-Habib al-Mustafa. Et regardez la religion de l'islam. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, comme dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, il nous dit alayhi salatu wa sallam, celui qui tue un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors que son odeur est ressentie à une distance de 40 années de marche. Et écoutez encore l'énorme prescription de l'islam. Afin que, ya Abdallah, tu lèves ta tête et tu t'adresses à toute l'humanité entière. Que tu lui dises qu'il n'y a pas de religion comme l'islam, qui a donné autant de droits aux hommes, qui a donné autant de droits à l'humanité, aucune religion comme elle, qui aura respecté le sang et l'âme de l'homme. Écoute ce hadith qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique selon Safwan ibn Sulaym, radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: celui qui a oppressé un mu'ahad, c'est-à-dire qui s'est montré injuste envers lui, ou bien qu'il ne lui donna pas complètement son droit, ou bien qu'il lui donna une tâche supérieure à sa capacité, ou bien qu'il lui prie quelque chose sans qu'il n'en soit pas d'accord, regardez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa, je serai son adversaire le jour de la résurrection. Je serai son adversaire le jour de la résurrection. Qui ça? Celui qui aura oppressé un Mu'adh. Ou bien qu'il ne lui aura pas donné complètement son droit. Ou bien qu'il lui aura donné une tâche supérieure à sa capacité. Ou bien qui aura pris quelque chose de lui sans qu'il n'en aurait et sans qu'il en soit d'accord. Qui est-ce qui sera son adversaire? Et qui est-ce qui sera son constatateur? Et qui est-ce qui le disputera le jour de la résurrection? Innahu Rasulullah alayhi salatu wa salam. Et la dernière catégorie, ayol ikhwatul kiram, celui qui demande asile et hébergement. Le réfugié, al-musta'min, celui qui vient dans un pays musulman se réfugier et qui demande qu'on le protège, lui et ses biens. Et bien celui-ci, ayol ikhwat, si nous lui autorisons l'asile, son sang devient sacré à même Allah Azza wa Jalla. Soyez attentifs et la preuve est dans ce que Allah Jalla wa Ala nous dit dans son Coran. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Si l'un des associateurs te demande asile, c'est Allah qui Jalla wa Ala qui parle. Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-lui parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont certes des gens qui ne savent pas. Telle la religion d'Allah Azza wa Jal, comme les réfugiés politiques, par exemple, s'ils viennent dans notre pays, même s'ils sont des mécréants, il n'est en aucun cas autorisé de les transgresser. Et écoutez ce hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i. Avec une chaîne de transmission authentique selon Amir ibn Haniq al-Khuzai, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, celui qui donna asile à quelqu'un, puis le tua, je suis innocent de tueur, même si le tué est mécréant. Celui qui donna asile, c'est-à-dire qui a promis, qui lui a promis la sécurité, et l'asile, et l'hébergement, et le refuge, puis qu'il le trahit, c'est-à-dire qu'il le tue, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, je suis innocent du tueur, même si le tué est mécréant. Na'am. Ainsi la plus grande chose, ayyuhal ikhwa, le sang et l'âme, celle qui est la plus sacrée auprès d'Allah et Azza wa Jal, car il y a d'autres créateurs qu'Allah Jalla wa Ala. Celui qui donne la vie est Allah, le seul créateur, et celui qui l'enlève n'est autre qu'Allah et Azza wa Jal. Na'am. Ainsi, c'est une énorme chose et une énorme preuve, ayyuhal ikhwa, quant à l'interdiction de la trahison dans l'islam. Et ceux qui commettent cela ne sont que des traîtres. Et cela nous rend triste. En regardant ce qui se passe de nos jours, et lorsque nous entendons de nos jours ce qui se passe dans toutes ces transgressions contre les étrangers dans nos pays, et dans les pays autres que musulmans. Ya Akhi Karim, si tu es certes envieux ou jaloux de ta religion, va voir le gouverneur musulman, va voir tes frères musulmans et appelle-les à Allah Jalla wa Ala. Mais de transgresser les autres gens, ou bien de les tuer, ou bien de leur voler leur argent, ceci est strictement interdit dans notre religion, et wallah. Et le prophète alayhi salatu wa salam sera innocent de toi le jour de la résurrection. Telles sont les règles d'Allah, Jalla wa Ala. Ayyuhal ikhwatul kiram. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, le croyant sera toujours dans une bonne condition dans sa religion tant qu'il ne fait pas couler du sang sacré. Le croyant sera dans une bonne condition dans sa religion tant qu'il ne fait pas couler du sang sacré. Ibn Omar radiallahu anhuma nous dit, il y a des actions d'où il n'y a pas d'issue. Et parmi elles, faire couler du sang sacré sans aucun droit. Na'am. Et le tueur, ayol ikhwatul kiram, celui qui a tué les gens dans cette vie ad-dunya, celui qui a fait couler le sang des gens, viendra avec le tuer devant Allah Jalla wa Ala. Avant que justice soit faite, ayol ikhwatul kiram, comme ceci a été rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, un homme viendra en tirant la main d'un autre homme le jour de la résurrection. Un homme viendra en tirant la main d'un autre homme le jour de la résurrection. Le tué dira alors à Allah Jalla wa Ala, ô Seigneur, celui-ci m'a tué. Et alors Allah Jalla wa Ala dira, pourquoi tu l'as tué? Pourquoi l'as-tu tué? Et alors le tueur répondra, je l'ai tué afin que la puissance soit à toi. Et alors Allah Jalla wa Ala répondra, elle est certes à moi. Puis un autre homme viendra en tirant un autre homme. Et le tué dira alors à Allah, ô Seigneur, il m'a tué. Et alors Allah lui dira, pourquoi l'as-tu tué? Et alors il répondra, afin que la puissance soit à un tel. Et alors Allah Jalla wa Ala dit, elle ne certes pas à un tel, et il recevra alors ce qu'il mérite comme péché et comme punition. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, ce tueur, ce criminel, qui aura fait couler le sang sacré sans aucun droit, viendra devant Allah Azza wa Jalla, et il dira qu'il l'a tué cette personne, afin que la puissance soit à une autre personne. Il l'a fait souffrir jusqu'à ce qu'il l'ait tué, et il est devenu mort à cause de lui. Pourquoi? Ce n'est pas pour Allah, mais pour que la puissance soit à une personne parmi les gens, afin qu'un tel soit heureux de la mort d'une personne, et il recevra alors ce qu'il mérite de péché et de punition. Naam, et écoutez cette situation, ajib ayyuhal ikhwa. Devant le tout miséricordieux Ar-Rahman, le jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, le tueur se ramènera avec le tué. La tête du tué sera au niveau de sa main et les veines se feront couler du sang de la tête. Et le tué dira alors à Allah, Jalla wa Ala, Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a tué. Et Allah, Jalla wa Ala, le rapprochera alors du trône al-Arsh. Le tué viendra alors au tueur, avec le tueur. La tête se trouvera à sa main, et les veines faisant sortir du sang. Une vision terrifiante à Yuhal Ikhwa. Et il dira, Seigneur, demande-lui pourquoi il m'a tué, jusqu'à ce qu'Allah le rapprochera du trône al-Arsh. Quelle sera alors la réponse du tueur, Yuhal Ikhwa? Quelle sera la réponse de ce criminel? Quelle sera la réponse de celui qui a fait couler du sang dans ce bas monde ad-dunya? Et le hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud et par l'imam Tirmidhi et Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani selon Abdullah ibn Abbas. Et dans une autre version de l'imam Tirmidhi, selon Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, le tué dira au Seigneur de l'univers, Seigneur, celui-ci m'a tué. Allah dira alors au tueur, misérable, malheur à toi, et on l'emmènera alors en enfer. Naam. Et lorsqu'on emmènera ce criminel, comment sera-t-il emmené en enfer? Comment sera-t-il plongé dans les profondeurs de l'enfer? Écoutez ce que nous rapporte l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, un coup sortira de l'enfer, et il parlera alors et il dira, aujourd'hui, on m'a confié trois catégories de personnes. Alors écoutez, ayol ikhwa, afin de ne pas faire partie d'eux. Aujourd'hui, on m'a confié trois catégories de personnes. Tout tyran rebelle. Et toute personne qui aura mis à égalité une divinité avec Allah. Et toute personne qui aura tué une personne sans aucun droit. Naam, et alors le coup les attrapera alors, puis les jettera dans les profondeurs de l'enfer. Avez-vous vu alors cette punition et ce châtiment? Et ayol ikhwatul kiram, il ne fait aucun doute que les péchés augmentent et que le crime est encore plus grand si le tué est un rapproché parmi les rapprochés d'Allah, si le tué est un savant parmi les savants d'Allah, ou un prêcheur à Allah, ou quelqu'un qui aurait appris Al-Qur'an Kitab Allah. Si le tueur s'est taché du sang de l'un d'eux, la colère d'Allah Jalla wa Ala sera plus grande envers lui. Naam, et ce sera une perdition parmi les autres. Écoute ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, ceux qui souffriront le plus le jour de la résurrection, ceux qui souffriront le plus le jour de la résurrection, un homme ayant tué un prophète, ou bien qu'un prophète l'a tué. Un homme ayant tué un prophète, ou un homme qui aura été tué par un prophète. Et les savants, al-ulama, hum warathatul anbiya, ce sont les héritiers des prophètes, et ce sont les gardiens de l'islam, et ce sont les gens particuliers d'Allah sur terre. Alors malheur donc à celui qui les gêne, malheur donc à celui qui les trouble, et ainsi qu'il fasse attention de leur invocation contre lui. Et comme dans un hadith Qudsi, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, Allah Jalla wa Ala a dit, celui qui combat un de mes rapprochés, je lui déclare la guerre. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, tel est le danger, et telle est la responsabilité, et tel est le comportement de l'islam. Et ainsi ayyuhal ikhwa, as'alullah Jalla wa Ala, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, أن ينجينا من هذه الفتنة وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون, après le jugement entre les croyants à propos du sang et du mal, le jugement des autres injustices commencera alors. Et le jugement entre eux commencera alors et débutera en ce qui concerne l'argent elle-même, et la dignité, et l'honneur, et d'autres choses également. Sachez que la chose la plus chère pour la personne le jour de la résurrection, ayol ikhwatul kiram, sera ses bonnes actions, al-hasanat. Une seule bonne action pour la personne est meilleure que toute cette vie et ce qu'elle contient. Une seule bonne action, ayol ikhwa, le jour de la résurrection, sera meilleure pour cette personne que toute cette dunya et tout ce qu'elle contient. Car la personne pourra être sauvée de l'enfer et du châtiment d'Allah Azza wa Jal par une seule bonne action. Et le jour de la résurrection, il n'y aura certes ni dinar, ni dirham, ni euro, ni centime, ni dollar. Mais ce seront les bonnes et les mauvaises actions, ayol ikhwa. Car les gens viendront devant Allah avec leurs bonnes actions de la taille de montagne, mais elles partiront chez les autres personnes. Et ils recevront alors un châtiment à cause des mauvaises actions de ces personnes. Et c'est celui qui aura transgressé et qui se sera montré injuste envers les gens de cette vie. Écoutez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, il s'adressa à ses compagnons radiallahu anhum et il leur dit: savez-vous qui est le ruiné? Et alors les compagnons radiallahu anhum répondirent: le ruiné parmi nous et celui qui n'a ni de dirham, ni de biens, ni de richesses. Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam répondit: certes, le ruiné dans ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec la prière et l'aumône et le jeûne, mais il s'est querellé avec un tel, et il aura insulté un tel, et il aura fait couler le sang de celui-ci, et il aura frappé celui-ci, et il aura pris l'argent de celui-là. Il donnera alors à un tel de ses bonnes actions, et à un tel de ses bonnes actions, et à celui-ci de ses bonnes actions, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de bonnes actions. Et si le jugement n'est pas terminé, il prendra alors de leurs mauvaises actions, puis on les jettera sur lui et on le jettera dans la terre. Naam. Les bonnes actions partiront alors. S'il a des bonnes actions, et s'il en a plus, il subira les péchés et les mauvaises actions de ceux qu'il aura transgressés. Et les gens seront également jugés quant à l'argent elle-même. C'est pourquoi celui qui meurt avec une dette, son âme restera emprisonnée et ne rentrera pas au paradis. S'il fait partie des gens du paradis, jusqu'à ce qu'on la lui paye, et le jour de la résurrection, il paiera sa dette avec ses bonnes actions. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: celui qui meurt endetté d'un dinar ou bien d'un dirham se fera prendre de ses bonnes actions le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham. Le jour de la résurrection, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de monnaie d'échange entre les serviteurs. Mais ce ne sera que les bonnes et les mauvaises actions. Alors à ceux qui font travailler les gens, et à ceux qui profitent des gens dans leur travail et dans leur société, en ne leur donnant pas leur droit, et en ne leur donnant pas leur salaire qu'il leur faut, ils paieront le jour de la résurrection avec leurs bonnes actions. Et leurs bonnes actions iront jusqu'à leurs salariés. Et s'ils ont eu des bonnes actions, comme il a été rapporté dans le Sunan de l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Aïcha, radiallahu anha, elle dit: un homme était debout aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit alors: ya Rasulallah, j'ai deux esclaves me désobéissant et me traitant de menteur et me faisant du mal. Je les frappe donc. Quelle est donc ma situation? C'est-à-dire, quelle sera ma situation le jour de la résurrection? Et alors Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam lui répondit: le jour de la résurrection, ta punition envers eux sera en fonction de leurs péchés. Si leurs péchés ont été équivalents à ta punition envers eux, ni toi ni eux ne subiront quelque chose. Si leurs péchés étaient plus importants que ta punition que tu leur as donnée envers eux, tu perdras, tu prendras de leurs bonnes actions. Tu prendras de leurs bonnes actions. Mais si ta punition envers eux était plus grande que leurs péchés, ils te prendront de tes bonnes actions. Et l'homme commença alors à pleurer. Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit: N'as-tu pas lu la parole d'Allah? N'as-tu pas lu la parole d'Allah Jalla wa Ala? Wa nad'u al-mawazin al-qist, et nous établirons les balances justes. Na'am, la justice d'Allah Jalla wa Ala, ayyuha al-ikhwa. On jugera également, ayyuha al-ikhwa al-kiram, entre les serviteurs, sur les coups qui ont été donnés. Celui qui aura frappé sans droit, celui qui se fera frapper, celui qui aura frappé sans droit se fera frapper le jour de la résurrection. Celui qui faisait souffrir se fera souffrir le jour de la résurrection. Celui qui aura fait mal se fera mal le jour de la résurrection et la preuve en est. Le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh al-Albani, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit: celui qui frappa avec un fouet injustement, la sentence lui sera appliquée le jour de la résurrection. Ainsi, s'il fouettait le jour de ce bas monde dans cette vie, il se fera fouetter le jour de la résurrection. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Et on jugera également le jour de la résurrection sur l'honneur et la dignité des gens. Celui qui aura émis et commis une calomnie sur les gens, sur quelqu'un, il le paiera le jour de la résurrection, ayol ikhwa, comme ceci a été cité dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit: celui qui inventa une calomnie, c'est-à-dire des propos péjoratifs de fornication sur son servant ou sur son esclave, en lui disant espèce de fornicateur, que ce soit directement ou sous-entendu, celui qui a inventé la calomnie de fornication sur son servant, une sentence lui sera prononcée le jour de la résurrection, sauf si cela a été comme il l'a dit. Et ainsi Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre sacré: Inna alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'azim. Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude des croyants, seront maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un châtiment énorme. Mes chers frères et sœurs, réparez ainsi vos injustices aujourd'hui avant de mourir. Détachez-vous de vos injustices. Faites attention à ne pas mourir alors que vous ayez commis des injustices à quelqu'un ou ayant encore une obligation envers des gens. Le jour, ayyuha al-ikhwa, faites-le ce jour-là dans ce bas monde où le remboursement se fait par la monnaie ou par les dinars ou par la réconciliation, avant de le faire le jour de la résurrection où le remboursement se fera par les bonnes actions, les choses qui seront les plus chères pour vous ce jour-là. Et ainsi nous vous avertissons de cela, car sinon ce remboursement sera par les bonnes actions et les mauvaises actions. Détache-toi ainsi de toute injustice avant de mourir, sinon, Iwallah, tu le regretteras. Dans le recueil authentique d'Imam al-Bukhari, selon Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui a commis une injustice sur son frère, qu'il se précipite à s'en acquitter avant que n'arrive le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham. S'il a des bonnes actions, il lui sera retiré en fonction de son injustice. Et s'il n'a pas de bonnes actions, il prendra les mauvaises actions de son oppressé et elles seront placées sur lui. Nous serons jugés, ayyuha al-ikhwatul kiram, également sur les droits que nous avons eus envers, sur les droits et les obligations que nous avons envers nos frères musulmans. Car nous avons des obligations envers nos frères, ayyuha al-ikhwa. Le musulman a des obligations envers son frère musulman, comme ceci a été cité dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit: les droits du musulman envers le musulman sont au nombre de 5. Répondre au salam, répondre au salut, le visiter lorsqu'il est malade, suivre son convoi funéraire, répondre à son invitation et répondre lorsqu'il est terminé. Telles sont 5 obligations que le musulman a envers son frère. Celui qui ne les effectue pas sera certes blâmé et reproché. Comme il a été cité dans le recueil authentique de l'imam Muslim selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam dit: Allah Jalla wa Ala dira le jour de la résurrection. Et écoutez ce hadith ajib, un hadith qudsi. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: Allah Ta'ala dira le jour de la résurrection: Yabna Adam, au fils de Adam, je suis tombé malade et tu n'es pas venu me visiter. Et alors le serviteur dira: Ô Seigneur, comment pourrais-je te rendre visite alors que c'est toi le Seigneur de l'univers? Allah répondra alors: Ne savais-tu pas qu'un tel est tombé malade et tu n'es pas alors allé le visiter? Ne savais-tu pas que si tu étais allé le visiter, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Yabn Adam, au fils de Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne me l'as pas fait. Il dira alors: Ô Seigneur, comment pourrais-je te nourrir alors que c'est toi le Seigneur de l'univers? Et alors il dira: Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé de le nourrir et tu ne l'as pas fait? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Yabn Adam, mon fils de Adam, Je t'ai demandé de m'abreuver et tu ne l'as pas fait. Et alors il dira au Seigneur, comment pourrais-je t'abreuver alors que c'est toi le Seigneur de l'univers? Et alors il dira, ne savais-tu pas que mon serviteur untel t'a demandé de l'abreuver et tu ne l'as pas fait? Ne savais-tu pas que si tu l'avais fait, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Naam. C'est comme cela, Yoel Irwa, que les droits reviendront à leur propriétaire le jour de la résurrection. Et ainsi, justice sera faite entre les serviteurs d'Allah et ne restera aucune justice qui sera traitée. Lorsque le jugement Al-Hisab ainsi de la communauté musulmane islam sera terminé, ayol ikhwatul kiram, on viendra aux croyants des autres communautés. Les croyants des autres communautés seront ainsi jugés comme les croyants musulmans. De la même façon. Puis lorsque le jugement sera terminé avec les croyants, alors commencera le jugement des mécréants Al-Kufar. Les mécréants se feront juger, et ceci est la parole la plus juste d'après les savants. Ils se feront juger et ils verront leurs actions, et Allah les réprimandera pour leurs actions. Comme nous le dit Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Et c'est également la parole de l'imam al-Qurtubi, et de l'imam ibn Kathir, et d'autres parmi nos précédents savants. Les mécréants se feront juger sur leurs actions, le jour de la résurrection, malgré que leurs actions ne soient pas valables. Malgré que leurs actions ne soient pas acceptées par Allah. Wa l'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit, les gens qui seront jugés font partie de trois catégories. Alors écoutez, ayyuhal ikhwatul kiram, les gens qui se feront juger font partie de trois catégories. La première catégorie est ceux qui n'auront pas de jugement complètement. Et c'est ceux dont nous avons parlé lors de notre 37e rencontre. Alladhina yadkhuluna al-jannah bighayri hisabin wa la'ala. Ceux qui rentreront au paradis sans souffrance, ni punition, ni châtiment, ni jugement. La deuxième catégorie sont ceux qui seront jugés parmi les croyants, al-mu'minin. Et ainsi leur jugement sera facile. Et ainsi on leur montrera toutes leurs mauvaises actions, comme nous l'avons dit auparavant, et Allah Jalla wa Ala les effacera. La troisième catégorie, ceux qui auront un jugement difficile. Et cela, comme nous le dit al-imam al-Qurtubi, nous trouvons dans cette catégorie le mécréant comme le musulman. Le mécréant dans sa mécréance et le musulman dans sa désobéissance. Et nous rajoutons à ces catégories une autre catégorie qui ne sera pas jugée. Mais celle-ci est d'un côté plutôt négatif. Ce seront les mécréants qu'Allah Jalla wa Ala rentrera directement en enfer. Dû à la grande colère d'Allah Jalla wa Ala envers eux et à leur grande mécréance envers Allah et Azza wa Jalla. Dans un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, on viendra au mécréant, puis on lui dira, vois-tu si tu avais la terre entière en or, aurais-tu racheté le châtiment avec? C'est-à-dire que te serais-tu protégé avec cela du châtiment d'Allah azza wa jal? Il répondra alors, na'am, oui. Allah jalla wa ala lui dira alors, je t'ai certes demandé une chose plus facile que cela. Je t'ai certes demandé une chose plus simple que cela dans ce bas monde. Car le mécréant, pour le jugement Al-Hisab, n'acceptera le témoignage d'aucune personne. Il n'acceptera le témoignage d'aucune personne, ni des messagers, ni des anges, ni de la terre. Car même la terre témoigne contre les serviteurs et Al-Ikhwa. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle racontera son histoire. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a interprété ces versets, il nous dit, il dit à ses compagnons, savez-vous ce qu'elle racontera à la terre? Et alors les compagnons dirent, Allah et son messager le savent mieux. Et alors il dit, son histoire sera de témoigner contre tout serviteur, homme ou femme, de ce qu'ils ont fait sur son dos, c'est-à-dire sur la surface de la terre. Et elle dira alors, celui-ci a fait cela à ce moment-là, et celui-ci a fait cela à ce moment-là. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayra. Le mécréant n'acceptera ainsi aucun témoin. Et c'est pourquoi Anas radiallahu anhu nous raconte dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Et il nous dit, le prophète alayhi salatu wa salam était avec nous, il se mit à sourire. Et alors il dit à ses compagnons, savez-vous pourquoi je souris? Et alors ils dirent les compagnons, Allah et son prophète le savent mieux. Et alors il répondit alayhi salatu wa salam, je souris de la discussion du Seigneur avec un de ses serviteurs. Le serviteur dira, et ce sera le mécréant et l'hypocrite, il dira, ô Seigneur, ne t'es-tu pas interdit l'injustice? Et alors il répondra, tabaraka wa ta'ala, na'am, oui. Et alors le serviteur dira, je n'autoriserai et je n'accepterai aujourd'hui qu'un témoin venant de moi, c'est tout. Et alors Allah Jalla wa Ala dira, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre juge, ainsi que tes nobles scribes. Puis après cela, Allah Jalla wa Ala bloquera sa bouche. Sa bouche sera fermée alors, la bouche du mécréant ou de l'hypocrite sera fermée. Et il s'adressera alors à ses membres, et il leur dira « Parlez !» Et ses membres parleront alors. Puis on le laissera parler, et le mécréant et alors et l'hypocrite dira à ses membres « Malheur à vous, c'était pour vous que je me défendais. » Non. Et c'est comme cela alors que le mécréant sera jugé d'un jugement difficile de tout ce qu'il aura commis dans ce moment de dunya. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit « وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction pour lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était joyeux parmi les siens dans ce moment. Et il pensait que jamais il ne serait ressuscité. Mais certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Lorsque le jugement, il va dire que le kiram ainsi sera terminé avec les mécréants. Allah Jalla wa Ala aura terminé avec les créatures. Il ne lui restera que les animaux. Et Allah jugera entre les animaux. Na'am. La justice absolue, ayyuhal ikhwatul kiram. Allah jugera même entre les animaux. Comme vous aviez entendu dans les débuts du discours, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, vous rendrez les droits à leurs propriétaires, jusqu'à ce que l'on fasse justice entre la brebis sans corne et la brebis avec corne. Toute la justice, ayyuhal ikhwatul kiram. Wa la yadhlimu rabbuka ahad. Et Allah ne fera de tort à aucune personne. La brebis n'ayant pas de corne et la brebis ayant des cornes. Et ainsi la brebis ayant des cornes l'ayant frappée, sans droit dans cette vie présente, la brebis n'ayant pas de cornes la frappera alors. Allah Jalla wa Ala lui dira de la frapper, afin que la justice soit établie. Na'am, la justice absolue d'Allah Azza wa Jal. Puis, lorsqu'Allah Jalla wa Ala aura terminé le jugement al-fisab ayol ikhwa envers les animaux, il s'adressera à eux et il leur dira, Kounou turab, soyez de la terre. Kounou turab. Et alors lorsque les animaux se transformeront en de la terre, lorsque les animaux se métamorphoseront en terre, le mécréant verra cette scène alors. Le mécréant verra cette scène. Le mécréant apercevra cette scène alors. Et qu'est-ce qu'il dira ? Le mécréant dira alors, malheur à moi si seulement je deviendrai de la terre. Il verra cette scène et il ne demandera que de mourir et de disparaître, car il aura appris son jugement, car il connaîtra son jugement dès lors, car il connaîtra sa destination, car il connaîtra son sort, et il désirera que devenir de la terre et de la poussière, redevenir du néant, afin de ne pas souffrir dans l'enfer, et afin de ne pas souffrir son châtiment et le châtiment d'Allah et Azza wa Jal. C'est comme cela, ayyuhal ikhwatul kiram, après avoir entendu ces informations véridiques de la part d'Allah et Azza wa Jal et de son messager alayhi salatu wassalam, hâtez-vous, ya ibad Allah, de rendre les droits à leurs propriétaires, et évitez les injustices avant que ne vous vienne le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham, mais la sentence sera payée par les bonnes actions. Na'am, ayyuhal ikhwa. Et est-ce qu'après le jugement, y aura-t-il encore des sursauts et des tourments ? Non. Ce ne sera pas terminé, ayol ikhwatul kiram, mais loin de là. Après les sursauts du jugement al-hisab, viendront les sursauts de la balance al-mizan, sur laquelle nous parlerons bi-idhnillahi azza wa jal, lors de notre prochain discours. Si Allah jalla wa ala nous prête bien, nous prête rencontre, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh, lui seul en a la capacité et le pouvoir, as'alullah jalla wa ala, bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl, fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qu'ils retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Wa as'aluhu an yubarik fi waqtina wa an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawab fi al-qawli wa al-amal innahu wali dhalika wa mawlah. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je tiens à demander à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram, que les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillah.